Bonsoir tout le monde, amateurs de bonne musique, et c'est l'émission Terra Incognita à CKRL 89.1 à Québec. Et vous êtes en compagnie de l'indispensable Bruno à la mise en onde et de France à l'animation, moi-même à la préparation de l'émission et à l'animation également, donc Jean-François. Eh bien, il y a beaucoup d'action ces temps-ci. Hein. Une bonne nouvelle. Ben oui, ça manque pas de nouvelles. Non, une très bonne nouvelle. Tu l'annonces ou je l'annonce? Ben vas-y. Bon, une bonne nouvelle qu'on a eue avant de quitter. Eden Song qui va revenir nous voir le 15 avril au Centre d'Arles-Chapelle. Les billets sont déjà en vente. Vous pouvez aller sur la page Facebook de Terra Incognita. Je ne sais pas s'il était mis sur le site de Terra Incognita. Je vous le dirai tantôt, j'irai voir, mais une très bonne nouvelle. On a hâte de les revoir. Ben oui, on sait la commotion que leur passage au dernier festival Terra Incognita a causé. Tout le monde avait aimé ce groupe-là. Ben, c'était pas surprenant parce que leur deuxième album était tellement supérieur au premier. Fait qu'on s'attendait à un show grandiose, un show très animé. Et ben, ça a été un show magique. Et ben il y a un petit peu de mouvement dans le groupe, mais faut quand même faut pas paniquer avec ça parce que le leader James et Teddy Tower à la basse et le flûtiste sont toujours présents. Il y a eu un petit changement du côté des claviers et de la batterie, mais disons que ça changera pas beaucoup. Disons le son du groupe là en sera pas affecté parce que le flûtiste était vraiment incroyable. Et ça a donné une couleur là, à leur musique et à la présence sur scène. Donc, c'est une excellente nouvelle. Je pense que tout le monde va être content de revoir ce groupe-là. Donc, c'est au mois d'avril. Ça ne pouvait pas être avant parce que le groupe, ben, faut qu'il se renouvelle. Il faut qu'il réapprenne les pièces avec les nouveaux membres. Donc, ils vont être prêts au mois d'avril et c'est à Québec que ça va se passer. Excellente nouvelle. Oh oui, mon coup de cœur du festival. Ben oui, avec Osonaten, bien oui. Sûr. Là. Mm-hmm. Mais disons qu'ils ne nous avaient pas déçus, ils nous ont enchantés, et même ceux qui les connaissaient moins ont été enchantés également. Je sais que le patron de la salle, là, à la chapelle, avait été abasourdi. Il avait dit à Michel, faut qu'ils reviennent. Ben oui, Nicolas nous avait parlé de ça. Il nous avait dit, ah ben, mon patron a vraiment été emballé là, par ce groupe-là. Et ben, je suis bien content que ça se concrétise, ce projet-là. Et ben, il y a une autre grosse nouvelle. Ben, c'est plus, disons, spécialisé, mais disons, c'est quand même au Royal Albert Hall là, qui crée une petite commotion. Là. Il y a tout un groupe de Québécois qui vont se retrouver là-bas. On devrait être à peu près une quinzaine de Québécois. Ben oui, ben, nous autres, dans notre cas, ça fait quand même des années qu'on dit qu'on veut aller voir un spectacle au Royal Albert Hall parce que c'est une salle qui a une grosse réputation avec des gros comme Yes, Cream là, qui se sont produits. Là, dernièrement, dans les dernières années, il y a eu Adele qui a enregistré un DVD là. Deep Purple avait joué là. Opeth, en fait, tout le monde a joué tout là. Tout le monde. Tous les grands groupes ouais. Ont joué au Royal Albert Hall. Donc, c'est une salle là, qui a un aura spécial. Steven Wilson. Oui, Steven Wilson, évidemment. Et ben, Francine Deller avait vu Crosby, Stills & Nash là. Donc on l'envie un peu de ce côté-là, mais ben nous on verra Campbell. C'est pas un moindre groupe parce qu'ils avaient enregistré là leur album de Snow Goose qui est apparu sur Alive Record. Donc on va faire une petite présence là. C'est pour septembre l'année prochaine. Et ben il y a également le numéro 90 de Progressis qui est arrivé dans mes boîtes à mal. Dans ce qui me concerne, c'est arrivé hier. Donc j'ai fait une prise de connaissance assez rapide, là, mais on en parlera un petit peu plus aussi dans le courant de l'émission. Et ben il y a quelques nouveautés comme K-Po, un disque qui s'appelle Children of the Sound. On va entendre une pièce qui s'appelle On the Edge of New Horizon et extrait de l'album qui vient toujours avec le Progressis. Il y a un extrait d'Arcordo des Contraries, un nouveau disque qui s'appelle Violetto Intatto. On va entendre un extrait de ce disque-là et ben, ça va compléter notre premier bloc. « Skies are gray, to places where I've never been before. So slowly through the rooms where all my water's turning into wine, sparkling. singing all my sad songs from the woods. I sit here listening to the rhythm of the rain. I sit here laughing without reason or sense. The birds are soaring high up in the sky. I walk a mile when a new morning arises, and I see wonders from a glimpse in my CKRL 89.1. Le temps des fêtes et ses traditions. La famille, l'accordéon de mon oncle Pierre, les cadeaux qui te font dire « Ah, t'aurais pas dû », puis les autres qui te font dire « Ah, t'aurais pas dû ». Mon oncle Pierre, plus tard en soirée. Et depuis 1984, il y a nous, l'Opération Nez Rouge, un classique du temps des fêtes. Cette année encore, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. Et c'était Cordo des Contreries qui a terminé ce premier bloc et qui avait débuté avec Kaipa. Et ben on parlait du... en fait, Cordo des Contreries, ça vient de l'album Progressiste numéro 90, mais c'est un extrait de l'album Violato Intato qui est tout à fait nouveau et qu'on n'a pas encore vu ici à Québec. Et ben en parlant du numéro 90, il y a une entrevue avec Frank Bandman de Eloy, et ben la carrière d'Eloy, d'après ce qu'on dit, c'est loin d'être terminée. Hein. Parce que dans cette longue entrevue qui a été réalisée par Olivier Delose, il dit que Frank Bandman, c'est le plus exquis des hommes, ce qui me surprend pas. Hein. Le petit film qu'il avait fait pour... au Nerfest? Ben oui, vu qu'il n'avait pas pu participer au Nerfest. Ben, d'ailleurs, il en parle de cette mésaventure-là qu'il avait eue. Il devait être headliner du Nerfest Apocalypse. Et ça n'a pas pu se réaliser parce qu'il s'était cassé une jambe, là, puis son médecin il avait interdit de voyager. On a parlé lors de la dernière émission. Et ben il se reprend hein, parce que ce nouvel album-là, qui est consacré à Jeanne d'Arc, ben, c'est en deux parties. Il dit que c'est à cause des coûts. Ça coûte trop cher sortir un album double. Et il fait référence un peu à Planète Time to Turn, là, qui était aussi deux parties. Puis qu'il avait été sorti dans deux disques séparés, probablement pour les mêmes raisons. Ça a commencé, cette passion là, pour Jeanne d'Arc, lors d'un voyage à Paris qu'il avait fait. Il était allé à Notre-Dame de Paris. Et il avait vu la statue de Jeanne d'Arc, puis il voyait que c'était un peu à l'abandon. Fait que ça l'a surpris un peu. Puis, cette passion-là avait commencé avec l'album The Power and the Passion et Destination. Il y avait des pièces consacrées à Jeanne d'Arc. Et ça a été comparé un petit peu aussi à Tommy et à The Wall, mais lui, il dit que ce serait plutôt comme Jésus-Christ Superstar parce que son personnage, il existe. Il a existé pour de vrai. Puis il y a des projets de spectacle en français avec des interprètes français. Mais là, il ne parle pas de spectacle de l'œil comme tel. Ça serait plutôt comme une sorte de spectacle à grand déploiement, là, symphonique. Là. Et ce disque-là, là, en Allemagne, ben, il est monté jusqu'au numéro 2 dans les charts, ce qui est quand même une bonne chose pour un disque de musique progressive. Oh oui. Tu dis quoi? Tu as tout dit? Ben, c'est les notes que j'avais prises. Ben, on va parler de ce qui s'en vient. Ben, comme spectacle, si tu veux en parler un peu. Oui, ben là, la plupart sont passés. On va commencer l'année 2018. Fait que le 19-20 janvier, il y a des supplémentaires pour Prog Story à la salle Jean-Paul Tardy. Le 10 février, ben Steve Hackett au Palais Montcalm. Le 20 avril, ben Steven Wilson, mais c'est complet. Ensuite, le 26 mai, au Collège Garneau, Arena. Et je vais répéter le 15 avril, Eden Song au Centre d'art La Chapelle. Et pour le prochain bloc, il y a The Deer Hunter qui vient de faire paraître ses hacks 1, 2 et 3. On les avait remarqués surtout pour l'acte 4 et le 5e aussi. Et là, dans un boîtier triple digipack, vient de sortir 1, 2 et 3. Donc, on va entendre une pièce qui est extraite du premier acte qui s'appelle City Escape et ce sera suivi de Nick Turner, de Discipline et de PB2. Pour ce qui est de Discipline, il y a eu un très bon concert qui a été donné à l'Anti. Selon Michel, c'est peut-être la meilleure performance qu'ils ont eue à Québec à vie. Je suis assez d'accord avec ça. La pièce de Buddy Earn qui avait été jouée juste avant le rappel, je pense que ça a été une mm-hmm. des très bonnes. En rappel, il y avait Canto 4, là, mais ils ont joué toutes sortes de pièces jusqu'à Camellia de Push and Profit. Donc, c'est une belle rétrospective de tout ce qu'ils ont fait et ça a été très apprécié. Sonne Sombra aussi a donné une belle performance. Peut-être un peu plus rock que ce qu'on s'attendait. Là. Mais je pense qu'il était assez content de l'accueil qu'ils ont eu des Québécois. Donc, on y va en musique avec The Deer Hunter. Cooking history, revealing thoughts of mystery. Yeah. Let's go. yourself the soul, the fictional belief, the void, the whole. It was making me crazy inside, nothing to. Striven to be selves acquired unconsciously. Repetition, this our mission. The body yearns, the body learns. Just keep on trying. Closing down in the dark. Open up, dream and spark. Catalog memory. Fantasize. Slumber set in connections, make perfections. The body learns, the body learns. Just keep on trying. Now in flowers, the fear that we see seem to come by it naturally. Fragmentation, replication. Seems that we have lost communication. Here cut off from life on earth. Still we send out messages back home. Maybe someone hears us over there. We are trapped, locked inside the spacecraft. No way out, there's no going back. Well, do you hear us? Send us a sign. We've got a message that needs to be heard. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. La Foire du disque de Québec fête ses 5 ans. Cette année encore, plus de 35 exposants seront présents avec des milliers de disques vinyles. Venez également voir la nouvelle Zone Audio où vous pourrez tester du matériel haut de gamme. C'est un rendez-vous le samedi 4 novembre de 10 à 16 heures au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue Prince-Édouard. 2$ l'entrée. Pour plus d'informations, visitez foiredudisquequebec.com. On a terminé ce bloc avec PB2, le groupe néerlandais, avec un disque qui s'appelle Rocket, The Dreams of Wobo Ockel. Et ça, c'est, ça vient du disque New Species, volume 30, de la firme Classic Rock Society. Et c'est présent avec l'album, avec le magazine progressiste numéro 90. Juste avant, c'était Discipline Captive of the Wine Dark Sea. So, c'est avec la compilation progressiste. Numéro 90, c'était précédé de Nick Turner et de Deer Hunter. Et ben, je vous. Ça marche pas. Bon. Et. Ce que je voulais vous dire, c'est dans ce magazine-là, dans le Classic Rock, on revient sur la carrière des Cars. Et dans la chronique Collectors. On parle de Sgt. Pepper, le New York Club Band, le 50e anniversaire. Je pense qu'on avait parlé que ce disque-là avait été, pendant une semaine, le numéro 1 en Angleterre. Et dans les albums événements, il y a Cordo des Contrary qu'on a entendu en début d'émission. Et tout de suite, tantôt, on a entendu Discipline, qui fait aussi partie des albums événements. Ce qu'on dit comme conclusion, c'est que c'est pas le meilleur, mais c'est une drôle de chronique dans le sens que ça commence bien, on encense le groupe. Mais moi, ce qui me concerne, c'est un disque que j'aime beaucoup et encore une fois, une très belle prestation qu'on a eue dernièrement à Québec. Il y a aussi l'album des Décès d'Urbaine qui a été fait avec Steve Hogarth. The Tangent aussi, qu'on a écouté souvent, The Slow Rust of Forgotten Mechanic. Il y a aussi Steven Wilson, là ça c'est une drôle de chronique parce qu'on fait opposer deux personnes qui ont écouté chacun de leur côté, mais c'est très fouillé, en fait il y a quatre pages là-dessus. Et c'est comme une discussion là, qui se fait où que chacun donne leur avis. Toi, je sais que t'es pas amateur plus qu'il faut de ce disque-là là, qui s'appelle To the Bone. On va écouter du Mystery, Second Home. Le disque est sorti. Il y avait eu le DVD là, qui est paru il y a quelques semaines et finalement en format double CD, c'est sorti dernièrement. Et toujours avec ce New Species, on va entendre Circuline, un groupe qui est avec un album qui s'appelle Counterpoint. Et on va entendre aussi du Tim Hunter, ça vient de Progressiste numéro 90. Searches for some kind of light. to ease the way all through the night. You look out by the window, still the rain keeps falling down. You try to ease the sorrow while slowly losing ground. I'm here now, you're here now. The least that we can do is stand for what we think is right. Whoa. Delusion reigns.

Et on retrouvait ça sur l'album New Species 30 du magazine Progressiste. Et juste avant, sur le même disque, on retrouvait Circuline, aussi un groupe américain qui, avec des musiciens qui ont circulé autour de Sound of Contact et différents groupes. Donc, c'est des professionnels, c'est des gens qui circulaient dans le milieu. Deuxième disque, celui-là s'appelle Counterpoint et ça date de 2017. On avait débuté avec Second Home, l'album de Mystery, un album double. Et très bien rempli, hein? Deux disques de 70 minutes passées, 71 pour un et presque 73 pour l'autre. Et ben Second Home, comme on disait quand on a parlé du DVD, ben, c'est dans le cas de Mystery, je pense que ça s'applique bien parce que ça a été enregistré en Europe. Et pour Mystery, l'Europe, c'est une deuxième maison parce qu'ils sont accueillis là-bas en héros. Et ben c'est tant mieux. Ils sont venus à Québec au mois de septembre. 15 septembre. Ben oui, puis ben, nous autres, on pouvait pas être là. On était à l'extérieur. Mais ce sera pour une prochaine fois. D'ailleurs, ils viennent de temps en temps parce qu'ils commencent à avoir un bon public à Québec. Et ben un groupe qu'on aimerait voir, c'est Big Big Train, mais c'est pas des sorteux. Hein. Non, mais ils sont au festival cet été, par exemple, en Allemagne, ouais. À Lorelei. Oui, disons qu'on n'ira pas en Allemagne pour ça. Et ils ont sorti deux disques cette année, eux autres, un qui s'appelle Grimspound. On retrouve un extrait sur Progressiste numéro 90. Et on va entendre une pièce qui est assez longue, une quinzaine de minutes, là, qui s'appelle « Amid All in Winter ». Et on continuera avec Tim Hunter. Moi, ça m'est totalement inconnu. C'est ça qui est le fun de ces disques-là, c'est que ça nous permet de faire des découvertes. Et ça s'appelle Dracula, When the Sun Goes Down in Whitney Town. Et ben après ça, on vous revient pour un dernier commentaire. Mystery est à Lorelei aussi cette année. Ben oui, ils sont bien contents de ça. D'ailleurs, on avait rencontré le batteur. Je ne sais plus trop lors de quel spectacle. C'était, à Spock's Beer. À Spock's Beer, puis comme il est Montréalais, ben, il était venu à Québec pour voir Spock's Beer, puis il nous trouvait bien chanceux parce qu'à Montréal, il n'y a pas de show de prog comme ça. Ben oui, le public de Québec, on est choyé. Donc, on y va en musique avec Big Big Train. this all come to pass? Merchants of light. Such wonders here without fantastic things. The curiosity of man. And Dracula. On the Demeter, he came ashore in the guise of a black dog, wreaking havoc on the town. He has a thirst for blood when the sun goes down. Dracula. Tim Hunter sur la compilation New Species 30 sur, avec le magazine Progressiste 90. Ben c'est tout pour nous pour cette semaine. Restez à l'écoute parce que Jacques est là pour l'émission. L'autoroute jusqu'à, ben, on ne sait pas trop jusqu'à quelle heure avec le changement d'heure. N'oubliez pas de changer votre heure. Donc, nous, on termine avec Hawkwind, histoire de faire une transition. Donc, merci d'avoir été là. Ça a été bien le fun. Bonne semaine. Of death, we're angels of life, we're angels of death. Without a place, Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. À découvrir sur la Fabrique culturelle. Cette passion-là, ça fait depuis que je suis toute petite là, que je l'ai. Je n'écrivais même pas, je faisais mes propres albums. Valérie Boivin, illustratrice. Quand un auteur t'apporte un texte, c'est son univers qui te propose et toi, tu rajoutes ton univers par-dessus le sien. Et ça crée comme un nouveau tout. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Put the needle on the record when the drum beats go like this. La Foire du disque de Québec fête ses 5 ans. Cette année encore, plus de 35 exposants seront présents avec des milliers de disques vinyles. Venez également voir la nouvelle Zone Audio où vous pourrez tester du matériel haut de gamme. C'est un rendez-vous le samedi 4 novembre de 10 à 16 heures au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue Prince-Édouard. 2$ l'entrée. Pour plus d'informations, visitez foiredudisquequebec.com. Cet automne, dans un monde où le malheur persiste et s'impose. Je veux être professeur. Professeur de piano, Patrice. Découvrez la tragique histoire de Jacqueline Bel-Enfant,